et Hal. Ratis avait regroupé ses alliés, et Hal faisait de même. Mila, Booz et moi avions été choisis par le Conseil des Sages pour diriger la défense des Hal. Après un mois d'entraînement, d'évaluation et de réflexion, Ratis fit une nouvelle fois parler de lui. Durant un mois, les rats n'avaient effectué que quelques petites attaques aux alentours des halls, quelques pillages, quelques... massacres. Mais jamais ils ne se décidèrent à nous prendre par surprise, comme si Ratis attendait patiemment que nous soyons prêts à le défier. Comme s'il attendait patiemment que nous soyons prêts. Et un soir, une lance traversa les halls. Et sur le bâton, un message. Ratis savait écrire. Les rats savaient écrire. Il demande un entretien. Et Hal, l'arbre du conseil, la nuit. Un entretien ? C'est un piège. Que veut-il nous dire et où ? À quelques lieues d'ici, il veut nous retrouver. Il sera accompagné de ce second et des deux autres représentants de ses alliés. Il demande que de notre côté, les trois Baïfouis soient présents, ainsi que moi. C'est un piège. Il veut nous attraper. Quand est-ce qu'il veut cet entretien ? Dans 2 heures. Mais pourquoi veut-il nous parler ? Mais c'est un piège, je vous dis. Non, ce n'est pas un piège. Ils ont tous tourné la tête vers moi. Je regardais au dehors, appuyé sur le bois à la porte de l'arbre du conseil. La nuit était belle. Ce n'est pas un piège. Je sais pourquoi il veut nous voir. La nuit était belle. À l'intérieur de l'arbre du conseil, Ziggy, César et Voltaire avaient pris leurs places respectives au fond de la salle. Booz et Mila s'approchèrent de moi intrigués. Comment ça, tu sais pourquoi il veut nous voir ? Moi je le dis, je le répète et j'en suis sûr, c'est un piège. Imagine nous trois avec César en plein milieu de la forêt sans aucune protection. Imagine bien ça. Pourquoi Ratis ne viendrait pas avec son armée, hein ? Nous, éliminés, et Éol n'a plus de tête. Enfin, plus beaucoup. Ratis, près de Wish City, dans les chutes, il avait hésité à me tuer, il avait hésité, et bien après encore, il avait toujours hésité à me tuer. Je serai de l'avis de votre ami Booz Quick, et également celui de Mila. Nous quatre éliminés, Éol perdra confiance en elle. La confiance. Oui, c'est vrai, peut-être que tous les écureuils, les souris, les fourmis, les oiseaux, tous ont confiance en eux parce qu'ils pensent qu'avec nous, ils ont une chance de gagner. Oui, peut-être. Mais je n'en suis pas si sûr finalement. Dès les premières minutes d'une guerre, nous pourrons tomber. Et alors ? Que se passera-t-il si le conseil venait à disparaître ? Si nous, nous venions à disparaître ? Ce sera obligatoirement la mort d'Éol ? Non. Moi je dis c'est pas super. D'autres que nous reprendront la tête de l'Alliance et etc. Non. Ratis veut nous voir, mais pas pour nous tuer, ni même nous piéger. Mais alors pourquoi veut-il nous voir ? Ratis ? Hé, Ratis, mais où est-ce que tu vas ? Manfred, arrête de me suivre, pauvre raclure de rat. Oui, mais c'est juste que je m'inquiète d'où tu vas, quoi. Je voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Je m'éloigne juste du laboratoire. Je veux réfléchir. D'accord, mais... Mais où tu vas ? Ratis veut nous voir. Ratis veut nous voir pour qu'on choisisse ensemble où ça doit se passer. Où ça doit se passer quoi, Squeak ? La bataille. Oh, moi ça me plaît pas trop. Le dernier acte. Tout doit se jouer à un seul moment, un seul jour, une seule bataille. Il veut en finir. Il veut que nous deux on en finisse. Les rats contre les Baïfouish. Mais et Hal dans tout ça ? À ce stade, ce n'est plus Éol qui l'intéresse. D'abord, il veut en terminer avec nous. Parce que tant qu'on est là... On est comme une aiguille dans sa patte. Exactement. Si je comprends bien, il donne ce rendez-vous pour que nous établissions le lieu, l'heure et le jour de la bataille. Exactement. J'ai tourné la tête vers César. La lumière de la lune illuminait l'intérieur de l'arbre du conseil. Il veut, tout autant que nous, savoir comment cela va se terminer. Alors... Que préconisez-vous ? Ratis ! Oh, Ratis, mais t'es où ? Je suis là ! Oh ! Tu m'as foutu une de ces chocottes à sortir de ce fourré comme ça ? Je sais. Je suis assez... effrayant. Qu'est-ce qu'il y a ? On a reçu une réponse d'Éol, tu sais, pour le rendez-vous ! Et alors ? Alors, ils acceptent ! Bah, effouiche.